Dossier 5, DELF A1, compréhension de l'oral. Exercice 1. Lisez les questions, écoutez le document deux fois, puis répondez. Bonjour, madame. Vous avez quelques minutes pour répondre à des questions ? Oui, c'est pourquoi ? Je fais une enquête sur les vacances des Français. Vous partez en vacances l'été ? Oui, chaque année. Vous partez quel mois ? Au mois d'août. Mon entreprise ferme au mois d'août. Vous préférez quel type de vacances ? À la mer, à la montagne, à la campagne ? Pour nous, c'est important de quitter la ville. Mes enfants adorent la plage, alors on va à la mer deux semaines. Et la troisième semaine, ça dépend, on change chaque année. On part trois semaines en tout. Et vous restez plutôt en France ou vous partez à l'étranger ? Pour les 15 premiers jours à la mer, nous allons dans le sud de la France. Et la troisième semaine, nous faisons un voyage à l'étranger. Dans quel pays vous êtes allée ces dernières années ? En Italie et au Portugal. Merci, madame.